بسم الله ثم أما بعد، لا زال الحديث متواصلا مع كلام الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى عن حديث الصادق المصدوق. L'étude continue, Inch'Allah, dans cette deuxième assise autour des paroles et de l'interprétation qu'a fait Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa askanahu fasiha jannatih, du hadith du véridique qui a dit que la vérité, qui est Muhammad alayhi salatu wassalam. Thumma qala rahimahullah, thumma qala fil hadith, fa walladhi nafsi biyadihi inna hadikum, ya'malu bi'amali ahli al-jannah. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Et il arrive à cette partie du hadith où il dit: par celui qui tient mon âme entre mes mains, qui parle, par celui qui tient mon âme entre ses mains, que quelqu'un parmi vous fait des œuvres des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui le paradis pour y accéder, car qu'une coudée. Et à ce moment-là, ce qui était écrit auparavant dans le destin va le rattraper. Il fera l'œuvre des gens de l'enfer, et il ira en enfer. Et quelqu'un parmi vous va œuvrer des œuvres, disons, de l'enfer, dans ce qui apparaît aux gens. Il va faire des œuvres des gens de l'enfer jusqu'à ce que, entre l'enfer et lui, il n'y a qu'une coudée. Et à ce moment-là aussi, son destin, ce qui est écrit dans son destin, va prendre le dessus et la situation va se renverser. Il va œuvrer dans la fin de sa vie avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prédestiné. Il va faire des bonnes œuvres et à ce moment-là, il ira au paradis. La situation va se renverser. C'est ce qui est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'ibra, ce qu'il faut prendre en considération, c'est la fin de notre vie. Khawatim, khamisa. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne fin, une fin sur la voie de l'obéissance et la voie de son messager alayhi wa sallam, de ses nobles compagnons. يقول الشيخ رحمه الله: هاتان الجملتان فيهما خوف شديد وفيهما رجاء عظيم. Ces deux phrases dans ce hadith, il y a une énorme peur dedans. Il y a aussi un énorme espoir dedans. Dans ces deux phrases, il y a une énorme peur et un énorme espoir aussi. فالخوف من أن يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة ثم يختم له بالنار والعياذ بالله. La peur, c'est que la personne dans sa vie, il œuvre dans toute sa vie avec des actes qui sont des actes des gens du paradis, mais à la fin, la conclusion de sa vie se fait avec des actes des gens de l'enfer, et il va en enfer, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. والعكس بالعكس, et le contraire aussi. L'autre, il œuvre avec des œuvres des gens de l'enfer durant toute sa vie. Et la fin de sa vie, il œuvre avec des gens, avec l'œuvre des gens du paradis, et il rentre au paradis. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre fin soit avec des actes des gens du paradis. وَهَذَا شَيْءٌ مُشَاهَدٌ فِي هَذَا وَهَذَا. Et ceci, c'est quelque chose de réel. Que ce soit dans cette situation ou là dans l'autre. Dans la bonne foi ou dans la mauvaise foi, ceci est quelque chose de réel. Combien de pervers vous connaissiez auparavant, criminels et autres, sont devenus les plus soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, les plus doués, et qui maintenant ne font que du bien. Et combien de gens qui étaient dans le bien, etc., quoi qu'ils feraient mal, ou à un moustique, et maintenant sont devenus les pires des créatures d'Allah azza wa jalla. Vous avez des exemples devant vous. Ce hadith, il a une réalité. Ce hadith, il a une réalité dans la vie humaine. Hein? Et partout où on va, on trouvera des exemples qui prouvent la véracité de ce hadith. De gens dont la situation s'est renversée, soit dans le sens du bien, soit dans le sens du mal. وَكُلُّ هَذَا قَدْ وَقَعَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et tout ça, auparavant, est arrivé à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. فقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المعارك رجل شجاع مقدام لا يدع شيئا للكفار إلا قضى عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار فعظم ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم إذ كيف يكون من أهل النار وعمله عمل أهل الجنة Et ceci est arrivé à l'époque du prophète Ali. Avec le prophète Ali, cette femme, lors de certaines batailles, eh bien, un homme grave, hein, n'a rien écouté. Il s'est fait tuer. Voilà, dans la bataille, il était crié pour les croyants, il s'est fait tuer jusqu'à la nuit. Il était brave dans la bataille. Et on a crié, on a dit au prophète Ali, cette femme, tout ce qu'il faut de cet homme. Il a dit, ah, c'est un homme de l'enfer. Ceci a été un grand poids sur le cœur du compagnon. Comment ? Toute la bravure qui a fait tort. Tout ce qu'il fait. Sur le champ d'Allah, dans le champ du combat, il va en enfer. فقال رجل والله لا أزمنا فتابعه فبينما هو الفاسد فتابعه الجهل حزن وقبر قبر وراى انه لا خير له في البقاء بعد هذا فاخذ بسيفه ووضعه على صدره واتكأ عليه حتى خرج السيف من Pour voir ce qu'il va faire, pourquoi ton acte tombe au paradis. Ton acte qui t'a amené au paradis, c'est ton acte en enfer à la fin. Pourquoi? Et à un moment donné, cet homme a reçu une flèche. Il a été attristé. Ça lui a fait mal. Il n'a pas supporté. Il a pris son épée, il a planté par terre. Et il s'est appuyé avec sa poitrine sur l'épée. Et l'épée est restée. D'où il le sait, Rasulullah? Est-ce que Rasulullah a causé l'invisible? Non, abadan. Mais ça, c'est une révélation qui lui est faite, min Allah Azza wa Jal. Hada ghaibun, a'lamahu Allah Rasulahu sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est quelque chose de l'invisible que Rasulullah a envoyé son messager pour lui annoncer. Hein? Tes compagnons trouvent que cet homme est brave, etc. Sache que c'est un homme de l'enfer. Et ça s'est avéré, comme il a dit Rasulullah alayhi wa sallam, puisque alayhi salatu wassalam, il ne parle pas de ses propres passions. Il n'annonce que ce qui lui a été révélé. Hein? Et le compagnon a suivi. Ça ne veut pas dire qu'il ne prenait pas comme véridique la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Mais c'était tellement gros, comment il va aller en enfer? Qu'est-ce qu'il va faire pour prévaloir l'enfer? Mais ce qu'il aura annoncé Rasulullah, véridique pour eux. Pas de problème. Mais ce qui les étonnait, comment cet homme va se tourner? Qu'est-ce qu'il va faire qui va changer? Qu'est-ce qu'il va faire qui va virer? La cause, c'était une flèche qu'il a reçue. Et qu'il n'a pas su supporter la douleur et qu'il s'est donné la mort lui-même. وَمَعْلُومٌ أَنَّ قَاتِلَ نَفْسِهِ فِي النَّارِ وَلِهَذَا لَمْ يُصَلِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ فَقَاتِلُ نَفْسِهِ يُعَذَّبُ فِي النَّارِ بمن طهر به خالدا فيها مخلدا ايه اسكي يكون يجي للشيخ العثيمين رحمه الله عليه كل سلو كي سوتي لمن ها il est en enfer. C'est pour ça que الرسول صلى الله عليه وسلم n'a pas fait la prière sur celui qui a tué, qui s'est tué lui-même. Et ce qui nous est rapporté aussi, c'est celui qui se tue avec quelque chose, hein, sera châtié avec cette chose avec laquelle il s'est tué dans l'enfer. Il s'est tiré une balle de la tête, bah, de tout le temps qu'il est en enfer, il va se tirer une balle dans la tête. Il s'est poignardé, il fera toujours la même chose. Hein? C'est énorme comme châtiment. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le cas, il n'a pas prié sur celui qui s'est suicidé, qui s'est tué lui-même. Et Cheikh Ibn Taymiyyah nous dit, rahmatullah alayhi, que celui qui se suicide est éternellement au feu de l'enfer. فلما أصبح الرجل الذي كان يراقبه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا؟ قال إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار حدث له كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. Et l'homme qui a surveillé cet homme, qui était brave, qui s'est suicidé après, le lendemain matin, il a couru vers le prophète alayhi sallam, il lui a dit, « Ya Rasulallah, j'atteste que tu es le messager de l'Allah, Azza wa Jal. » Ça ne veut pas dire qu'auparavant, il n'attestait pas loin de là. Mais il refait son attestation. Il reconnaissait la grandeur et la véracité de ce messager alayhi sallam. Auparavant, il a testé aussi. Là, c'est une façon de reconnaître encore plus. Il a dit, qu'est-ce qui arrive? Il a dit, l'homme dont tu as parlé hier, qui a dit, c'est un homme de l'enfer, il a fait ça, il s'est suicidé. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'homme ne cesse d'œuvrer les œuvres des gens du paradis dans ce qui apparaît aux gens. Fais très attention à ça, dans ce qui apparaît aux gens. Alors qu'il fait partie des gens de l'enfer, c'est-à-dire à mes yeux et moi et toi, quand on voit quelqu'un œuvrer avec des œuvres, on dit « Ah, là, c'est un homme du paradis ». Mais en réalité, il y a quelque chose que nous, on ne sait pas. On juge sur l'apparence, dans ce qui apparaît aux gens, dit dans le hadith, dans ce qui apparaît aux gens, alors que l'homme, lui, il y a quelque chose dans son intérieur, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, il n'y a que la parole qu'il connaît, qui fait que il est fait partie des gens de l'enfer. C'est pour ça, avec cette phrase qui est ici, dans ce qu'il apparaît aux gens, c'est pour ça qu'il n'est pas dit de dire de qui que ce soit, il est mort martyr. On espère pour lui qu'il soit martyr. Mais qu'est-ce qu'on sait? Pourquoi il combattait sur son... Est-ce qu'il combattait pour l'argent, pour la terre, pour la femme? Il combattait pour quoi? Et ça, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. L'affaire du cœur, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. C'est pour ça que... Parce que si tu dis de quelqu'un il est martyr, ça veut dire que tu lui as signé le paradis. Et le paradis, il est dû à celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a destiné et à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a son rasoul sallallahu alayhi wa sallam a désigné. Hein? C'est pour ça d'où l'appellation de certains groupes, l'imam shahid, l'imam filal, shahid filal, etc. Où shahid? Shahid où? Comment vous pouvez prouver qu'il est shahid? Comment vous pouvez prouver qu'il est martyr? Hein? Qu'en savez-vous? Hein? Regardez ses actes. Regardez pourquoi il a été assassiné ou là, pourquoi il est mort. Vous allez voir que c'est contraire à ce que vous dites et ce que vous prétendez comme quoi il est martyr. Hein? Donc, dans ce qui apparaît aux gens, et cette phrase, souvent, certains passent à côté de cette phrase, dans ce qui apparaît aux gens. Et ceci est très important. D'où l'importance de ne rien omettre dans les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Et que les hommes de science, dignes du nom, et qui suivent la voie de leur plusieurs d'Allah, il n'y a aucune phrase qui mette de côté d'un hadith. Tout rentre en ligne de compte, parce que tout va jouer sur la signification. Le contexte, et les phrases, comment les unes derrière les autres, etc. Tout ça a son importance chez les hommes du hadith. فهذا يبين ما جاء في الرواية الأولى وهو أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام لا يعمل بعمل أهل الجنة أن ذلك فيما يبدو للناس وهذا والحمد لله يخفف الأمر. En plus de ça, cette phrase là qui est ici, dans ce qui apparaît aux gens, va nous permettre d'avoir la clarté sur ce qui évolue avec la phrase dans le hadith du fœtus, où il est dit, la personne œuvre avec l'œuvre des gens du paradis. au sens large du terme. La personne, il œuvre avec l'œuvre des gens du paradis. Et à la fin, son destin va prendre le dessus, il fera l'œuvre des gens de l'enfer. Il ira en enfer. Et donc, cette phrase-là, il œuvre avec l'œuvre des gens de paradis, on la comprend comment ? En prenant notre hadith du prophète dans laquelle il y a cette phrase, dans ce qui apparaît aux gens, dans ce qui m'apparaît à moi et à toi, en regardant les actes de tel et de tel, on dit, ah ben ce sont des actes des gens du paradis. Hein? Mais en réalité, ils sont dans ce qui nous apparaît. Mais en réalité, si Allah Azza wa Jal, dans le destin de Allah, la situation est tout à fait autre. Hein? Et ça allège la situation. Et ça te permet de ne pas avoir d'ambiguïté. Parce que les hommes de science, avec les hadiths, ils prennent un hadith et des fois ils vont dans un autre hadith pour ramener le maximum d'éclaircissement sur le hadith. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'esprit. Et que la parole du prophète, alayhi salam, s'explique l'une, explique l'autre. Hein? Comme la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la meilleure des interprétations qui est donnée à le Coran, si le Coran parle le Coran, et le Coran directement par sunnah. La même chose, dans la sunnah du prophète, alayhi salam, les hommes de science, quand ils traitent d'un sujet, ben, ils réunissent toutes les paroles du prophète, alayhi salam, en ce qui concerne ce sujet. Hein? Pour sortir avec un avis qui correspond à la sunna de Mohammed alayhi salam. Hein? Et pour eux, tous les textes, ils les utilisent comme il se doit, ils ne tordent pas le cou au texte. Hein? Ils ne tordent pas le cou au texte. فقال الشيخ عليه رحمه الله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام حتى ما يكون بينه وبينها إلا بلاء أي حتى يقترب أجله فهو فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل الجنة أما فيما يخفى على الناس ففي قلبه سريرة خبيثة أودت به وأهلكته ولهذا يقول الشيخ Il dit, rahimahullah ta'ala, et la parole du prophète, alayhi salam, qui dit, jusqu'à ce qu'il ne reste, la personne œuvre avec les œuvres des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste entre la personne et le paradis que la distance d'une coudée. Elle dit, jusqu'à ce que, un petit peu avant la fin de sa vie, un peu avant la fin de sa vie, il dit, l'œuvre dans ce qu'il apparaît aux gens. Et les œuvres qu'il fait, dans ce qu'il apparaît aux gens, ce sont des œuvres des gens du paradis. Mais dans ce que les gens ne savent pas, et ce qui est caché aux gens, et ce que ne connaît qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, cette impureté qu'il a dans son intérieur, et la saleté qu'il a dans son intérieur, ne la connaît qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette impureté qu'il y a dans le cœur, et qui est renfermée dans son intérieur, qui va faire sa perte. L'impureté de l'intérieur, c'est pour ça qu'il est de notre devoir de s'acharner à purifier le cœur. Il remédier au mal qu'il y a dans notre intérieur. Hein? Parce que ça ne sert à rien d'avoir l'apparence et que l'intérieur, hein, il y a le zoulal dedans. Tu sais ce que c'est que le zoulal? Quand tu laisses un peu d'eau quelque part, les journées passent et que l'eau stagne un petit peu, il commence à puer, il y a des petits microbes qui ont une petite queue, une petite queue rouge qui commence à polluer dedans. La même chose, si on ne s'occupe pas de son cœur, il y a des impuretés qui s'installent dedans. Des ambiguïtés, il y a des paracornes qui vont y vivre, la haine pour les autres, et ainsi de suite. Hein? Et vouloir le mal pour les autres, etc. Et tout ce que la personne va faire, il le fait pour se voir, ou pour atteindre un but, ou là, etc., etc. Et tout ça, ce sont les impuretés, et c'est ce qui va anéantir les actes des personnes. C'est pour ça qu'il faut s'acharner à faire du travail sur nous-mêmes et à purifier nos cœurs. Hein? Ça ne sert à rien, hein? L'apparence toute seule. On se la joue à qui? Je me la joue à moi et aux gens. Mais rien n'est caché à Allah. Rien n'est caché à celui qui va me récompenser après. Rien n'est caché à celui qui va me châtier et qui est capable à tout moment de m'anéantir. Rien ne lui a caché. Non, c'est qu'elle a. À quoi ça sert de jouer? À quoi ça sert que je te la joue à toi, que je la joue aux gens, quand tu mets la joue, etc. Tu es en train de te faire du mal à toi-même. Celui qui joue, il est en train, alors il fait du mal à personne. Il le fait à lui-même. C'est lui qui va payer. Hein? Il a douleur. Il s'appelle énorme. C'est très dur, Akhal Islam. Donc c'est pour ça. Il ne faut pas se laisser avoir par Shaitan comme ça. Hein? يقول الشيخ رحمه الله ولهذا فأنا أحط دائما أن يحرم الإنسان قلبه ويراقب قلبه et il dit رحمه الله تعالى c'est pour ça que moi j'incite les gens à libérer leur cœur et à s'auto-observer et à faire très attention à ce qu'il y a dans leur cœur et ceci est un énorme conseil fait de libérer ton cœur de tout ce qui est mauvais et du fait qu'il soit accroché à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et du fait qu'il soit dedans du mal, hein, et d'observer ton cœur, qu'est-ce qu'il y a dedans, et c'est quoi les actes de ton cœur, en qui tu mets ta confiance, pourquoi tu fais les actes, en qui tu as peur, et ainsi de suite. Je parle aussi, la peur qui est la peur, adoration, mais la peur naturelle, hein, tu peux avoir peur du lion, ça n'a pas un problème. Celui qui dit qu'il n'a pas peur du lion, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Hein? On parle de la peur qui est un acte d'adoration, qui n'est dû qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tous les actes du cœur qui sont du domaine de l'adoration, qu'on doit réserver à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là, il faut faire en sorte de ne les vouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est naturel, le fait d'aimer sa femme, c'est naturel. Mais le fait d'aimer l'amour, adoration, ça tu le réserves à Allah. Et que l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et l'amour de son messager, soit au-dessus de l'amour que tu as pour tes enfants et pour ta famille. Hein? Voilà. Mais le fait d'aimer sa femme ou d'aimer ses enfants, il n'y a aucun monde là-dedans. Mais il faut faire en sorte que ton amour, qui est l'amour d'adoration, soit pour Allah. Parce que pour les choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime, pour le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite, barakallahu fikoum. Fa'amal al-quloub, fa'amal al-jawarih, bimanzilati al-ma, tasqi bihi al-shajara, lakin al-asla huwa al-qalb. Et les actes des membres, les actes que nous faisons avec nos mains, ou avec notre langue, et tous les actes que nous faisons, sont comme l'eau pour l'arbre. Qu'est-ce que tu abreuves dans l'arbre? Tu abreuves le tronc ou la racine? La racine. Hein? Et la racine pour nos actes, c'est quoi? C'est le cœur. Rasulullah a dit, At-taqwa ha'una, At-taqwa ha'una. Il montrait son cœur. Donc l'origine de tout le bien dans l'être humain et du mal dans l'autre humain, c'est où? C'est le cœur. Donc c'est là, il faut s'occuper en priorité de ça pour que les branches qui vont découler de cette racine soit bonne. Que la racine soit bonne pour que le tronc s'élance bien vers le ciel et que les branches soient bonnes et que les fruits soient bons aussi. Parce que si la racine n'est pas bonne, hein, ton arbre peut-être va être de la colocante et le fruit qui va en découler va être un fruit amer. Hein? Et l'amertume, c'est pas l'amertume d'ici, la pire amertume. C'est l'amertume éternelle dans l'au-delà. Ah, dans le problème. Hein? Et toute mauvaise chose que tu peux subir ici, est-ce que ça dure? C'est pas possible qu'un malheur dure pour une personne. Malgré la lenteur d'une nuit, il est obligatoire que l'homme se lève n'importe comment. Que la nuit soit longue, l'homme il est obligatoire d'arriver. La même chose. La situation difficile se dissipe. Hein? Après les difficultés, il y a l'aisance, et ainsi de suite. Rien ne dure. Hein? Mais l'essentiel, c'est de vrai. Et l'essentiel de faire très attention à la racine du bien et du mal qui est notre cœur, et de le purifier. وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَحْرِصُ عَلَى الْيَبْتِعَ فِي الْعَمَلِ فِي الطَّاهِرِ وقلبه مليء بالحقد على المسلمين وعلمائهم وعلى أهل الخير وهذا يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله لأن القلب إذا كان فيه سريرة خبيثة فإنها تهوي بصاحبه في مكان سحيق. الشيخ رحمة الله عليه لي beaucoup de gens s'acharnent à ce qu'ils n'aient pas d'erreur dans les actes apparents. Mais leurs cœurs sont pleins de jalousie, de haine contre les musulmans, et contre les hommes de science, et contre les gens du bien. Et il dit cela, ils ont une mauvaise fin. Allah subhanahu wa ta'ala nous en présente. Cher, il dit cela, souvent ils ont une mauvaise fin. Allah subhanahu wa ta'ala nous en présente. Car le cœur, quand il est renfermé sur les impuretés, et sur la haine, et sur les choses mauvaises, il fait tomber. Hein? Celui qui a ce cœur ainsi, il le fait tomber de très haut. Il l'emmène à sa perte, à la perte totale. La perte de ce bas monde et la perte de l'au-delà. يقول الشيخ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته فالحسد هو كراهية نعمة الله على الآخرين وإن لم يتمنى زوالها وقد اشتهر بين العلماء تعريف الحسد بأنه تمني زوال نعمة الله على الغير ولكن المعنى الدقيق للحسد هو كراهية نعمة الله على غيره سواء تمنى زوالها أو لم يتمنى. Le Cheikh, rahimahullah ta'ala, dit, la jalousie, c'est le fait de détester le bienfait pour les autres. Le bienfait d'Allah, azza wa jal, tu le détestes pour les autres, même si tu ne souhaites pas que leur bien leur soit enlevé. Ils disent, ce qui est réputé entre les hommes de science, quand ils donnent la définition à la jalousie, c'est d'espérer, de vouloir que Allah subhanahu wa ta'ala l'enlèvement, que la personne n'ait pas les bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala. Et cher de le dire, cette définition n'est pas exacte, n'est pas exacte. Il dit, la réalité de la signification de la jalousie, c'est beaucoup plus fin que ça. C'est le fait de détester le bienfait de Allah subhanahu wa ta'ala sur quelqu'un d'autre. Que tu espères que Allah subhanahu wa ta'ala lui envie, lui enlève, ou là que tu ne l'espères pas. Que tu veuilles dans ton cœur que Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève, ou que tu ne le veuilles pas, ça ne change rien. Ça, c'est le hasad. Hein? Et quand il s'accompagne du fait que tu ne veux pas qu'il soit comblé de ce bienfait, qu'il soit enlevé, là c'est encore. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam al-abd. Le fait juste de détester, de jaloux du bienfait que la personne ait le bienfait de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà tu es dans la jalousie. Et ce qui est une situation, c'est une maladie du cœur. C'est une grande maladie du cœur. Et cette maladie, ses fruits, et ce qu'il traîne après, est énorme. La haine, et vas-y, ça. Et le fait de vouloir faire des embuscades à l'autre pour essayer de... Hein, tous les moyens utilisés pour essayer de lui faire du mal, pour, etc., etc. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa alayhi. يقول الشيخ وهذا الحسد موجود في كثير من الناس وهو من خصال اليهود كما هو من خصال إبليس لعنه الله تعالى. الشيخ de nous dire, رحمة الله عليه, cette jalousie existe entre les gens. Il fait partie du comportement juif, comme il fait partie du comportement d'Iblis. Allah سبحانه وتعالى nous dit, il dit dans le verset, قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. Il dit dans le verset, beaucoup de gens du livre aimeraient, hein, que vous reveniez des mécréants après votre croyance, que vous reveniez des mécréants comme eux, hein, par jalousie qu'ils ont dans leur cœur. Ils veulent que vous retourniez dans la mécréance. Après que Allah subhanahu wa ta'ala vous a comblé de sa voix, hada, beaucoup aimeraient ça. Donc c'est une caractéristique de qui? Les ennemis d'Allah. Faïda wa jetta fi qalbika hasadan ala al-muslimin, jama'atin ou afradan, fa'alam anna fi qalbika khislatan min khisal al-yahoud, wal'iyadu billah. Le Cheikh de nous dire, rahimahullah ta'ala, si tu vois que dans ton cœur, il est rempli de haine pour les musulmans, en groupe et en individuel, hein, et en individu, que tu as la haine pour certains individus, pour la communauté musulmane, etc. Sache que dans ton cœur, il y a une caractéristique des juifs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Fatahir qalbaka min hada al-hasad. Et il dit, rahmatullah alayh, purifie ton cœur de cette jalousie. Wa'lam anna hada al-khayr alladhi fi ghayruka innama huwa fadlun min Allah, fala ta'tarid ala fadlillah wa la takrah taqdir Allah. Am yahsadun an-nas ala ma ataahum Allah min fadlih. Il dit, rahimahullah, il sache que ce bien dans lequel autre que toi ben, c'est un bienfait min Allah Azza wa Jal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les en a comblés. Il ne déteste pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a destiné à autrui. Il ne déteste pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a destiné à autrui. Il est dit dans le verset, est-ce qu'il jalouse les gens pour les bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés? Hein? Donc le fait de jalouser quelqu'un sur un bienfait min Allah, en réalité, voilà, tu te mets en opposition au destin d'Allah. Et tu n'as pas le droit à faire l'islam. Tu n'as pas le droit. Hein? Le destin d'Allah, tu l'acceptes. Tu l'agrées tel qu'il est. Et tu te soumets à ce destin. Et les bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a comblé quelqu'un, tu n'as pas à le jalouser pour, ni à espérer que Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève. Ni à t'opposer. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours les autres? Ah, Oudoubillah, où est-ce que tu vas? Tu t'opposes ainsi à qui? Qui donne le bien et qui donne le mal? Allah! Pourquoi ton de mal? Pourquoi tu te fais de mal dans ce cas-là, toi? Pourquoi tu te mets dans cet état-là? Hein? Tu te fais du mouron intérieur et tu te perturbes l'esprit pour rien du tout. Parce que ce bienfait, que tu fasses ce que tu veux, va chercher les génies. Hein? Tous les génies de la terre, les génies de la terre, tu les mets à côté de toi et avec toi, pour enlever un atome d'un bien avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a comblé cette personne, tu ne pourras pas. Ils cherchent les génies de la terre tous pour faire un mal, un atome de mal, un petit mal, pour déranger tel dans sa vie, mais tu ne pourras pas. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas destiné. Ne te fatigue pas, ne casse pas la tête. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il nous reste? Purifier nos cœurs. Hein? Puisqu'on ne peut rien changer à la situation, notre devoir est d'accepter, d'agréer le destin d'Allah. Pourquoi se faire du mal? Et plus avec ce mal, hériter la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala par la suite. Hein? Donc il faut qu'on ne se fasse pas avoir par Shaitan. Et dans notre dua, on dit quoi? Obligatoire dans chaque prière. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits, hein? Et non la voie de ceux qui ont encouru ta colère et les égarés. Il fait partie de ceux qui ont encouru la colère de Allah subhanahu wa ta'ala, les juifs. Et les juifs, l'une de leurs caractéristiques, c'est la jalousie du bien, hein? Sur les autres. Donc, c'est tous les jours je demande ce dua. Guide-nous sur la voie de ceux. Dina salat al-mustaqim. Sirat al-ladin an'amta alayhim. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Qui sont ceux qui ont comblé de ces bienfaits? Sinon les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux, et qui ont bonne compagnie, que la compagnie de ceux-là. Est-ce que les prophètes ont de la jalousie et de la haine pour qui que ce soit? Pas du tout. Les véridiques, qui sont à leur tête les prophètes, et à leur tête, et après les prophètes, Abu Bakr Siddiq et toute la communauté des compagnons avaient de la haine pour qui que ce soit. Un compagnon a eu quoi? Le paradis. Trois fois, Rasulullah s'est annoncé le paradis. Pourquoi? Pourtant, il ne faisait pas beaucoup d'œuvres. Quand un autre compagnon est allé pour voir ce qu'il fait, la personne va et dort, et après, il pardonne tout le monde. Il n'y a rien dans son cœur pour qui que ce soit parmi la communauté. Et ça, rien que cet acte du cœur, que personne ne voit. Qui le voit? C'est entre lui et Allah. C'est lui qui le pense et dans son cœur, ça s'instaure qu'il pardonne tout le monde. Si quelqu'un lui a fait un mal, si quelqu'un a parlé sur son dos, si quelqu'un lui a fait quoi que ce soit, qu'il le pardonne, qu'il dort, en ayant pardonné à toute la communauté. Ça lui a prévalu quoi? L'agrément de Allah, subhanahu wa ta'ala. L'éternité des délices, qui est le paradis. Hein? Et, hada, c'est le chemin que nous demandons. Le chemin de ceux que Allah, subhanahu wa ta'ala, a comblé de ce bienfait. Et ce chemin, son origine, il est où? Les actes de ce chemin, ils sont où? L'origine? Le cœur. Donc il faut soigner le cœur. Il faut les soigner, cette racine de laquelle va sortir le bien ou le mal, il faut la soigner comme il se doit, avec la réelle connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala, et avec la réelle compréhension des noms des attributs de Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de les mettre en application. Et le réel amour d'Allah et de son messager, alayhi sallatu wassalam, c'est d'accepter tout min Allah azza wa jal, et d'être soumis aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de suivre son messager malgré tout, et détester ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager détestent. C'est ça qui va nous amener à voir la pureté intérieure. Et la pureté dans la racine, qui est notre cœur, que après tout va jaillir. Après, quand la personne fait ce travail sur son cœur, la réalité après tout va suivre. Les actes vont émaner. C'est lui qui commande. Le cœur, comme il a dit Ibn Taymiyyah et d'autres, c'est le roi qui commande. Et malheureusement, les membres, qui sont les yeux, etc., ne désobéissent jamais à ce roi. C'est une obéissance aveugle qu'ils ont vis-à-vis de ce roi. Ils ne désobéissent pas. S'il est bon, ils vont être dans la droiture. S'il est mauvais, il les amène à la désobéissance et au mauvais. C'est un commandant qui n'est pas désobéi, le cœur. Malheureusement. C'est pour ça qu'il faut s'en occuper. C'est pour ça que l'association a dit et a donné l'importance au cœur. Bon, regarde combien de dua dans le cœur. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dini. Ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala dini. Naqqi qalbi min al-khataya kama yunqqa at-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma inni a'udhu bika min qalbi la yakhsha. Et ainsi de suite. Combien de dua sur le cœur? Énorme. Beaucoup. Cela te prouve qu'il faut s'en occuper. Qu'il faut s'acharner à purifier notre cœur. واعلم اخ الاسلام ان هذا الخير الذي فيه يقول حفظه الله وكذلك البغضاء بغض المؤمنين او دين الاسلام حتى وان كان الشخص لا ينفذه لقوله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم ولا احباط للعمل الا اذا كان هناك كفر او شرك بالله عز وجل يجدي رحمه الله تعالى اسر الفت de détester les croyants, ou de détester la religion de l'islam. Même si la personne, il déteste, mais il ne met pas en application des choses contre l'islam, mais il déteste. C'est un acte du cœur. Et il dit dans le verset, parce que ils ont détesté ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti leurs actes. Et cherche de nous dire, les actes sont anéantis qu'avec quoi? Avec la mécréance. Les actes ne sont anéantis que s'il y a mécréance. Et le fait de détester l'islam, de détester les croyants, même si la personne ne fait pas la guerre, etc., à l'islam, etc., le fait de le détester, là, ça n'a pas anéanti. يقول الشيخ رحمه الله فليلاحظ الإنسان قلبه فيزيل عنه الحسد والبغضاء والحقد والكراهية والغل ويجعله صافيا مخلصا لله تعالى وصافيا للمؤمنين يزيل رحمه الله تعالى واسكنه فصل الحج الناتي connaître l'humain doit observer son cœur, il doit le nettoyer de la jalousie, de la haine, du fait de détester, et faire que son cœur soit nettoyé de toute impureté et de tout défaut. Et qu'il fasse en sorte que son cœur ait la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce soit un cœur qui est pur et qui est clair, dans lequel il n'y a que l'amour pour Allah, pour son messager alayhi sallatu wassalam, et pour ce qu'aime Allah et ce qu'aime son messager alayhi sallatu wassalam. يقول الشيخ وأيضا من أسبابي فمن أسباب سوء الخاتمة محبة الكفار لأنها سريرة خبيثة بل الواجب على المسلم محبة المسلمين وموالاتهم وكراهية الكفار ومعاداتهم فإذا كان الأمر بالعكس عند أحد الناس فذلك أمر خطير يخشى على صاحبه أن يختم له بسوء الخاتمة يجي وصي رحمه الله تعالى توصي partie des choses qui vont faire que la personne il a une mauvaise fin, c'est d'aimer les mécréants. Et ceci c'est un sentiment intérieur qui est impur. Il est obligatoire pour le musulman d'aimer les musulmans et de s'allier avec les musulmans et de détester les mécréants et la mécréance, hein, et de les désavouer. Et si chez la personne, il y a le fait, l'alliance avec les mécréants, et l'amour des mécréants, et le fait de vouloir que les mécréants aient le dessus sur les musulmans, et triomphent sur les musulmans, ceci est une situation très dangereuse. Et ça peut faire que la personne, comme il dit cher ici, que sa fin va être mauvaise. Hein? Donc on aime l'islam, on aime les musulmans, et on s'allie aux musulmans, on s'allie aux croyants. Notre alliance, elle est pour les croyants, pour l'imam et pour la croyance, et pour les croyants et pour les musulmans. Et notre désaveu est contre la mécréance et les mécréants. Hein. Ceux-là, hein, quelqu'un, hein, sa mère est mécréant, son père est mécréant qu'il l'aime. Il n'y a pas de problème. Le fait que tu as de la sympathie pour ton père mécréant, pour ta mère mécréante, ce n'est pas un problème. Le fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'être bon avec les parents, hein, et de leur obéir dans l'obéissance à Allah et d'être à leur service. Tes parents ont besoin de toi, ont besoin de que tu leur achètes, tu leur amènes que les choses qui sont licites. Et tu es donc, tu leur obéis dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne leur obéis pas dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ceci est très important. Hein? Mais cela veut dire que ton amour, adoration, il doit être pour qui? Pour Allah, pour son messager, pour les croyants. Et ton désavou va être pour la mécréance et les mécréants. Et cela n'empêche que tu peux avoir la sympathie pour ta sœur mécréante ou là pour ton père, et que tu aies d'un bon comportement avec, parce que tu veux les orienter et les aider à prendre le chemin de la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala, et que tu veux pour eux qu'ils soient comblés par la guidance et par le fait de te guider. Ça, et d'autres choses ne sont pas incompatibles, frère en Allah, hein? Il faut juste remettre les pendules à l'heure. Hein? Et ne pas mélanger les choses et mélanger les pinceaux. Wa al-mu'amalatu bil-riba aydan min asbab su'il khatima. Wa qad dhakara ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabi al-jawab al-kafi liman sa'ala 'an ad-dawa' ash-shafi anna rajulan min an-nas kana yu'amilu bil-riba. فلما حضرته الوفاة جعلوا يلقنونه الشهادة فيقول عشرة أحد عشرة لأنه ليس في قلبه إلا إرادة الدنيا فختم له بسوء الخاتمة لأن الربا من أعظم الذنوب et le fait que les transactions, que la personne vienne dans les autres transactions usuaires qui ramènent l'intérêt des riba, etc. Ceci aussi est une des causes pour que la vie de la personne se termine très mal. Ibn Qayyim rahmatullah alayh, dans son livre, la réponse complète à celui qui cherche le remède qui guérit, un homme, il rapporte qu'un homme, toute sa vie, il l'a passé dans le riba, prêté de l'argent aux gens avec le riba. Hein? Et au moment de l'agonie de la mort, il essayait de lui faire dire la shahada. Mais lui, il disait, 10, 11. C'est-à-dire, je te prête 10, tu rends 11. Je te prête 10, tu rends 11. C'est tout ce qu'il a dit. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein? Parce que son cœur était plein de ce bas monde et de cette chute-là. Donc c'est la chose avec laquelle il a terminé sa vie. Il a terminé sa vie sur les choses qui l'emportaient sur son cœur et qui tenaient, hein, à son cœur. Et l'Iba fait partie des grands péchés à l'islam. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه ولد فيه من الوعد الوعيد ما لم يرد على أي ذنب آخر دون الكفر ولو لم يكن فيه إلا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله والمحارب لله ورسوله يجب أن يكون حربا على المؤمنين أيضا لأن المؤمن يوالي من والاه الله ورسوله ويعادي من عاداه الله ورسوله أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة وأن يتوفانا على الإيمان وإن هبنا لنا منه رحمة إنه هو الوهاب Et il dit, rahimahullah ta'ala, tel point que Cheikh l'Islam, le témir, rahmatullah, a dit, que concernant riba, les avertissements qui sont arrivés dans le Coran, dans riba, sont énormes. Ils sont plus énormes que tous les autres avertissements. Il dit, ça suffit, ce verset qui dit, ô vous qui avez cru, préservez le droit de l'Allah, et délaissez tout ce qui reste au niveau du riba, si vous êtes croyant. Si vous ne le faites pas, attendez-vous à une guerre avec Allah et son messager. Aucun péché n'a reçu cet avertissement qui est le fait de s'attendre à la guerre avec Allah et son messager. Il est évident que celui qui combat Allah et qui combat son messager, il est obligatoire qu'il soit un homme de guerre avec les croyants. Hein? Aussi, car le croyant s'allie aux alliés d'Allah et aux alliés de son messager, il prend comme ennemi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris comme ennemi et que ceux que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a pris comme ennemi. Et Cheikh le témoin, rahmatullah alayh, il fait ce dua ici pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la foi et qu'il nous comble de sa sainte miséricorde. يقول رحمه الله ومما ولد من الأمثلة على أن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بحسن الخاتمة مع ما كان عليه من عمل أهل النار ما وقع للأصير من بني عبد الأشهل فقد كان رجلا كافرا ولما سمع الصيحة لغزوة أحد خرج إلى القتال فقاتل حتى قتل فنظر إلى أصحابه وهو في آخر الرمق فقالوا ما الذي جاء بك فقد علمنا أنك تكره هذا الأمر فأخبرهم أنه خرج عندما سمع الهيئة وطلب منهم أن يبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه السلام فصار خاتمة هذا الرجل الشهادة ومآله السعادة. Et parmi les exemples, c'est de nous citer ici un des exemples de personnes dont toute la vie s'est passée dans les œuvres qui amène vers l'enfer. Mais la situation s'est terminée en bien pour cette personne. Ah, là, il nous cite cette histoire de Usayr, de Bani Abd al-Ashal, qui était un homme mécréant. Mais quand il a entendu l'appel, le fait de sortir à la bataille de Uhud, il est sorti combattre, et il a combattu, et il est tombé sur le champ de la bataille, et l'âme n'est pas encore sortie, il n'était pas encore mort. Les compagnons lui ont posé, ceux qui l'ont vu lui ont posé la question, qu'est-ce que tu es venu faire? On sait que tu détestes l'islam, que tu détestes cette situation dans laquelle nous nous sommes. Pourquoi tu es là? Il dit, je suis sorti quand j'ai entendu l'appel, fait de prendre les armes et de sortir. Et il leur a demandé, dites, transmettez mon salut au prophète, alayhi salatu salam. Et donc, cet homme, à la fin de sa vie s'est terminée en bien, avec le fait d'être mort, en martyr. Et donc, sa demeure va être quoi? Le paradis. Allah, subhanahu wa ta'ala, malgré tout, hein, tout ce qu'il a passé, hein, Allah, subhanahu wa ta'ala, fait que sa vie s'est terminée bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose. Allah, subhanahu wa ta'ala, sait que la racine dans son cœur était bonne. Et en général, comme il a dit, cher, tout à l'heure, beaucoup de gens, on voit qu'il y a le bien dans leur vie, ils accomplissent le bien, les actes des gens du paradis, mais en réalité dans leur cœur, c'est le mal qui est enfermé. Donc à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il renverse la situation pour eux. Ils œuvrent avec l'œuvre des gens du mal et ils font l'œuvre des gens qui vont aller en enfer. Face à Allah, l'azim al-qlash, l'azim al-fuqani wa iyakum salaha qulubina. J'anna wa iyakum yadina istami'un al-qawla wa yittabi'un al-ahsana. إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سبحان الله عز وجل.